Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1983, dans Les Nuits Magnétiques, Jean-Pierre Milovanov proposait une série en 5 volets sur le thème de l'évasion. Elle avait pour titre « La Belle ». La Belle, c'est une expression de voyou, d'affranchi, de tolard d'hier. Le terme ne paraît pas tout à fait approprié au récit d'évasion que l'on entend dans le 4e épisode de la série. S'échapper d'un commissariat ou de la santé pour se soustraire à la justice, même quand elle est injuste, c'est une chose. S'évader d'un stalag en territoire ennemi ou sauter du train qui mène à la mort, c'en est une autre. Et on ne peut plus parler de cavale pour évoquer la fuite de ceux dont le seul crime était simplement d'exister. Nuit magnétique, La Belle, 4e épisode. Bonsoir. I knew a guitar player once who called the radio friendly. He felt a kinship, not with the music so much as with the radio's voice. Its synthetic quality. Its voice is distinct from the voices coming through it. Its ability to transmit the illusion of people at a great distance. He slept with the radio. He talked to the radio. He disagreed with the radio. He believed in a faraway radio land. He believed he would never find this land, so he reconciled himself to listening to it only. He believed he had been banned from the radio land and was doomed to prowl the airwaves forever, seeking some magical channel that would reinstate him to his long lost heritage. Nous avons eu affaire au territoire allemand et le feu que nous avions rencontré en France était multiplié par 10 en Allemagne au moins. De sorte que nous partions toujours avec l'espoir de s'en sortir, mais malgré tout, tout était préparé pour pallier à une disparition. À savoir qu'on nous recommandait d'avoir toujours nos effets en ordre dans une valise avec, le cas échéant, un espèce de testament. C'est-à-dire que on nous engageait à dicter nos volontés dans une enveloppe. C'était dans une enveloppe qui était bien en évidence au-dessus des effets pliés dans la valise. Ok. Labelle, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov. Entre chien et loup. J'ai été arrêté comme pendant la guerre en 1943 et là j'ai été arrêté et transféré au Cherche Midi et comme tout le monde, torturé, etc. René Girier dit René Lacanne. Non pas parce que j'étais résistant, mais simplement parce que j'étais porteur d'armes et puis parce que j'avais 2 ou 3, 15 chevaux des tractions avant l'époque. Et les Allemands n'étaient pas fous, la Gestapo, comme j'ai jamais voulu moi rentrer dans la Gestapo parce que ça aurait été facile, rentrer dans la Gestapo, avoir toutes les cartes de police possibles, imaginaires, et faire comme tous certains truands, disons, à l'époque, comment dirais-je, travailler un petit peu pour la Gestapo, puis beaucoup pour eux. Alors, ils étaient couverts sur l'ensemble des fêtes. Alors, moi, j'ai jamais voulu marcher à ce truc-là, ça veut dire que je faisais ma propre résistance, disons. Voilà, c'est tout. Et puis, un beau jour, j'ai été arrêté avec armes et bagages, c'est le cas de dire, il y avait tout, il y avait des... Il y avait des flingues anglais, enfin il y avait tout, quoi, c'est pas difficile. Et puis alors j'ai été transféré à rue des Saussets. Là je suis passé, comme tout le monde, à la bastonnade, beaucoup. Mais alors je vais vous dire tout de suite que si je me suis pas mis à table, c'est que j'ai passé à travers la baignoire. Parce que la baignoire, moi j'ai vu des garçons à la baignoire, des vrais résistants, c'était horrible. Moi je me demande comment il y a des hommes qui ont pu tenir à la baignoire, parce que je les ai vus, ils m'ont fait voir, parce qu'ils m'ont dit, si tu parles pas, si tu dis pas où tu as tes armes, si tu dis pas où tu as emmené Maurice, parce qu'ils avaient vu que j'allais à La Rochelle, j'avais un de mes amis qu'on appelait Maurice le Poissonnier, qui partait en Angleterre, il allait chercher un sous-marin, et c'est tout, je voulais rien savoir, j'y allais parce que c'était mon ami d'avant, qui lui s'était mis dans la résistance, c'était un voyou, mais un voyou français, il voulait rester français, les Allemands, ils ne pouvaient pas les respirer, il a dit, voilà, moi je leur fais la guerre, tu me donnes un coup de main, ben, j'étais partant, puis c'est tout. Il y avait quand même cette espèce de liens qu'il y a peut-être moins ou plus maintenant, je ne sais pas. Quoique, ça reste à prouver. Et puis donc, j'ai été arrêté, puis j'ai été interrogé rue des Saussets, et puis on m'a mis en 44. Ils n'ont pas eu le temps de me juger, et puis alors on m'a déporté à Compiègne. Et puis comme d'habitude, à Compiègne, j'ai encore cherché, j'ai passé encore des semaines avec tous ces pauvres gens là-dedans, et puis j'avais creusé un souterrain, enfin tout un tas d'histoires. Là, on a été découvert par des chiens, et puis le coup du souterrain, ça n'a pas marché. Alors là, je me suis rabattu, toujours avec mon plan, parce que j'avais quand même mon plan. Ça veut dire, à l'époque, c'était une espèce de forme de couteau-scie. C'était quelque chose d'effroyable. On était 100 par wagon. Et, ah oui, c'était terrible. Et d'ailleurs, il y a des garçons qui n'ont jamais voulu, qui ne voulaient pas me laisser scier la paroi du wagon entre deux wagons, ils ne voulaient pas, parce que les Allemands, avant de monter, avant de nous rentrer. Il nous avait fait mettre tous à poil, bien entendu, etc., avec toutes les vexations possibles. Mais avant de rentrer dans le wagon, ils avaient bien dit par l'interprète que là, moins un homme évadé par wagon, c'était 10 fusillés séance tenante. Ils voulaient donc pas que je tente une évasion comme ça. Heureusement que là, j'avais un de mes amis qui est mort maintenant, Georges Lanoux, qui est un garçon physiquement, qui était resté toujours en état malgré les privations et tout ça. Et puis, il a réussi quand même à maintenir et puis à rallier à lui 4 ou 5 grands résistants qui étaient dans nos wagons. Et j'ai pu travailler tranquille. Ça veut dire que j'ai pu scier les parois du wagon, je vous dis bien, entre les deux wagons. Et puis, on est sorti, on a monté sur les tampons, puis quand le train a ralenti dans les environs d'ici, d'ailleurs d'Épernay, alors là j'ai plongé, j'ai senti qu'il fallait plonger tout de suite, j'ai sauté bien avant que le train soit arrêté, ça allait quand même assez vite, mais les Allemands, vous savez qu'à l'époque, il y avait 2 ou 3 wagons de déportés et un wagon rempli d'Allemands, les mitraillettes, les chiens et tout le cirque, quoi. Alors sitôt qu'il y en avait qui étaient en observation, et quand ils m'ont vu sauter, ça a été l'alerte, l'alarme, et puis les coups de mitraillette et tout. Puis mes amis et d'autres gens du convoi, il y en avait d'autres aussi qui étaient prêts, qui avaient scié d'autres choses, soit par en dessous, en dessus. On était sûrement une 50aine et ils ont bousillé tout le monde. Moi, j'ai eu encore une fois un peu de chance où l'état physique a voulu que je sois un peu plus rapide. On était tous en slip, pieds nus. Et là, j'ai traversé des champs de blé, puisque c'était au mois d'août 44, donc à la libération, hein, finalement. Alors j'ai réussi à gagner du terrain comme ça, et puis après j'ai marché longtemps dans une petite rivière, et puis j'ai réussi après à rentrer, quoi, par tout un tas de détails, et des gens qui m'ont hébergé, qui m'ont habillé, qui ont essayé de me chausser, mais c'était pas possible, parce que je devais avoir au moins, j'avais les pieds complètement labourés par le blé qui avait été coupé pendant le... J'avais les pieds en sang, alors enfin bref, je m'étais mis un tas de pattes de chiffon autour du pied, puis je suis arrivé à rentrer, quoi. Il y avait une charmante institutrice dans une petite, dans les environs d'ici, qui avait une petite école maternelle, et puis qui m'a hébergé pendant 8-10 jours, les jours en attendant que ça se désinfecte, enfin que j'avais la plante des pieds à peu près propre. Ça m'a permis de rentrer sur Paris. À l'entrée de Paris, je voyais donc les Allemands qui se repliaient. Et moi, je les croisais, vous voyez, c'était assez exceptionnel, c'était assez fantastique dans le fait que, du truc d'où je me sortais, puis je les voyais là, qui remontaient avec armes et bagages, mais très haineux, très... la peur au ventre aussi, parce qu'ils avaient les Américains dans les fesses, les Américains, les Français et les Anglais. Et je suis rentré justement à une porte de Paris, j'étais fouillé à une porte par les Allemands, ils étaient encore là, je crois que c'était la porte de Clignancourt, je ne me rappelle plus, et les Américains... Non, c'était la deuxième DB rentrée par une autre porte. Vous voyez un peu, c'était un climat assez exceptionnel. Et puis là, c'est fini, donc c'est cette chose-là. Mais alors, j'ai appris donc par la suite que j'étais à peu près... Je crois qu'on devait être 2 qu'on a dû se tirer de ce truc-là. Ils ont bousillé tout le monde. D'une journée grise, studieuse, qui s'écoule dans la disgrâce, le souvenir d'une autre journée plus violente ou d'un lieu ou d'une personne m'amène à reprendre une phrase. C'est alors qu'une sorte de lumière ou de courant d'air secoue ma tâche. J'entends encore une fois « Attention, les gardes armés, c'est ici le poste frontière, impossible de reculer ». Je regarde dans la direction indiquée, du brouillard, un bruit de moteur, la forêt. Et je ne sais plus dans quelle époque j'ai glissé ni où je suis. Était-ce hier au bord de la Sprée, quand cette famille allemande a tenté de franchir le fleuve frontière à la nage, ignorant que les miliciens ont installé sous l'eau des herses? Mais non, l'erreur s'est encore glissée. C'était en 1944, dans la France encore occupée. La brutalité ne s'était pas encore dotée des moyens dont elle dispose aujourd'hui, mais déjà l'intention y était, plusieurs en témoignent ce soir. Déjà, il y avait les chiens, les fusils, les tourelles d'observation, les barbelés. Attention, les gardes reviennent. Impossible d'aller plus loin. Je regarde dans la direction indiquée et je vois le lourd camion avancer derrière le gris. À l'avant, il y a les soldats au casque luisant, au cœur bien trempé. Quelques-uns sourient, sont-ils heureux? Pensent-ils à des jeunes filles très douces qui n'existent que dans leurs lettres, ou bien au repas qu'ils feront une fois bâclée leur besogne? Voilà, le camion est arrêté, le brouillard glisse sur la route, les fusils sont prêts, nous aussi. Vivre ou mourir, tout se joue en quelques secondes. C'est arrivé très souvent, je me suis trouvé nez à nez avec la mort. Gleb. Et j'en déduis, j'ai pas gardé un mauvais souvenir. C'est bizarre, la chose la plus pénible, j'ai pas gardé un mauvais souvenir. Une fois c'est passé, ça fait partie pour moi, il me semble, d'un trésor même, une richesse. Et je crois, j'en déduis, il me semble l'avoir compris, que vivre signifie des choses authentiques qu'on a, qui ne sont pas des fausses valeurs. C'est d'essayer d'aller jusqu'au bout de rencontrer la mort, et la joie est aussi la joie. C'est la souffrance et la joie. Ce sont deux choses que réellement l'homme peut en avoir pour vivre intensement. Même les malheurs, les choses, les moments les plus durs se transforment, deviennent un bien. C'est qu'on encaisse réellement. Le reste, c'est de fausses valeurs, je crois. Alors, j'ai connu un moment, étant dans la Gestapo, quand j'étais arrêté, il ouvre la cellule, et il dit, sors, et un autre, un milicien dit à l'autre, sors-les. Il dit, tu l'amènes où? C'est pour les zigouiller. Alors, c'était pour moi clair. Je l'ai entendu, il dit à l'autre, c'est pour zigouiller. Alors, on m'a mis avec quelques autres dans une camionnette, et puis encore dans la cour de la Gestapo, c'était à Grenoble, il y a encore les mêmes questions, j'entends, où vont-ils? C'est pour les zigouiller. C'est, donc on va nous exécuter. Je traverse Grenoble dans cette camionnette, je vois des gens qui passent. Je voulais être une mouche, je me rappelle, je voulais être une mouche. Si j'étais une mouche, je volerais d'or, vivant, je serais là, personne ne m'embêterait, la Gestapo ne me dirait rien, me laisserait voler. Je voudrais, je pourrais même manger aussi, je trouverais la nourriture. Plus il y aura de pourriture, plus j'aurai de nourriture. Je l'aurai et personne ne me menacerait. Eh bien, je suis allé avec tout le groupe à un moment donné. Il y avait une voiture qui nous accompagnait derrière, une autre voiture devant, et puis à un moment donné, on s'arrête. Mais j'ai vu qu'on n'est pas hors de la ville, mais tout le temps, sur les trajets, j'avais une seule idée. Je dis, qu'est-ce que je peux, moi, encore? Moi, je ne suis plus rien. Dans quelques minutes, je serai mort. Mais qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce qui reste entre mes possibilités? J'avais une idée obsessionnelle, uniquement, c'est d'avoir une attitude face à ce qui me vise à tirer sur moi, qu'il puisse se rappeler que j'étais là, resté, calme, fier, pas comme c'était, comme s'il m'attendait la mort, mais c'est comme ce que je peux le mieux vivre, pas le mieux mourir, mais le mieux vivre. au sol, de nuit, je me suis retrouvé avec le parachute dans les branches des arbres. Raymond Juste. Et j'ai eu un mal de chien à le décrocher dedans les branches des arbres. Et puis, je m'apercevais que je glissais, j'étais sur un étang gelé, recouvert de neige, bien sûr. Et je vous dis, tout cela compliquait ma tâche. Quand j'ai eu décroché ce parachute, j'en ai fait un paquet. Je l'ai amené avec moi dans la forêt qui bordait cet étang. Et je me suis préparé à le cacher. J'avais déjà fait un trou dans un fossé et je voulais le cacher alors que vraiment à ce moment-là, mes forces m'ont quitté. Je me suis dit, il faut que tu te reposes. Je me suis donc enroulé dans le parachute et je crois que j'ai dormi pendant, je ne sais pas, ça m'a paru très long, mais je crois que j'ai dormi à peu près un quart d'heure ou une demi-heure. Et quand je me suis récupéré conscient, j'étais devant la triste réalité, j'étais sur le sol allemand et mon rôle était de faire ce qu'on m'avait indiqué de faire au briefing, c'est-à-dire marcher cap à l'ouest, tâcher de rejoindre la Hollande, m'introduire dans un confessionnal et attendre et expliquer mon cas à la personne qui viendrait. C'était une filière qui était d'ailleurs préconisée. Donc, je rassemble toutes mes énergies. J'avais encore une tablette de chocolat dans mon battle dress. Je l'ai croquée et ensuite j'ai pris ma boussole, la boussole de mon escape box, dans le creux de ma main. Et j'ai calé ma boussole de façon à marcher cap à l'ouest. Voilà. Que j'ai marché pendant 3 jours et 3 nuits comme ça. Je comptais pouvoir marcher jour et nuit de façon à pouvoir traverser l'Emskanal qui se trouvait beaucoup plus loin, dans l'ouest. Et il faisait tellement froid. Je voulais donc me cacher le jour et marcher la nuit. Et j'ai marché jour et nuit parce que il faisait tellement froid que j'y serais passé. Vraiment, j'y serais passé. J'avais donc rien à manger, j'avais gardé des suspentes de parachute en nylon pour faire, au cas où ça puisse me servir, et à un moment donné, il y avait des lapins, là je me suis dit, tiens, tu vas te faire un lapin. Alors j'ai posé des collets pour prendre des lapins, mais j'ai pas pris de lapin, alors j'ai continué. Heureusement, dans cette escape box, il y avait des aliments vitaminés, il y avait des pastilles vitaminées, et des pastilles d'ozone pour faire de l'eau à peu près potable. Alors, j'ai utilisé tout ça, et puis alors, je me suis retrouvé à tenter de traverser une rivière qui coulait assez fort, c'est pour cette raison qu'elle n'était pas gelée. Mais je me suis aperçu, en remontant et en redescendant ce cours, qu'il n'y avait de possibilité que de passer sur un pont. Donc, il m'a fallu prendre une position qui me permette de surveiller le pont tout en restant caché. Donc j'ai trouvé une colline plantée de jeunes sapins qui offrait un couvert assez valable. Et autour de moi quand même, j'entendais des coups de fusil. Alors j'ai attendu l'heure d'entre chien et loup à la tombée de la nuit pour pouvoir passer sur ce pont, ma foi, passer comme tout le monde. Et à un moment donné, j'ai senti une présence derrière moi. En retournant, j'ai vu un jeune garçon, il pouvait avoir 14 ans, qui me regardait avec des yeux effarés et qui s'est sauvé immédiatement. Alors je me suis dit, tu es repéré, il ne faut absolument pas que tu restes à cet endroit. J'ai donc tenté une manœuvre de diversion dans, vers l'endroit où il n'y avait pas de coup de fusil. Et c'est à ce moment-là qu'en traversant un filet, un petit sentier dans forestier, je me suis trouvé face à face avec un officier de la Luftwaffe qui me fait « Where are you going ?» Alors, en anglais, je lui réponds toujours « Don't worry about it ». J'ai fait 180 degrés, je suis rentré dans le bois, il m'a pas tiré dessus. Je me suis dit « Bon, ben, j'ai probablement échappé à quelque chose, là, on va voir ». J'ai encore fait un crochet de 90 degrés vers la droite. Et puis je me suis dit, dans cette direction, tu dois être en direction du pont, il faut y aller, vaille que vaille. Et donc, j'ai continué vers le pont, c'est à ce moment-là qu'en traversant une clairière, je me suis retrouvé avec trois gars qui me tenaient en joue. À ce moment-là, terme anglais, I give up. Alors, je me suis rendu. Alors, immédiatement, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont pratiquement déshabillé pour voir si je n'avais pas une arme, ou etc. Bon. Et ils m'avaient mis à un arbre pour me fusiller. C'est à ce moment-là qu'est intervenu cet officiellement que j'avais rencontré quelques instants auparavant, qui leur a intimé l'ordre d'avoir baissé leurs armes. Et en s'approchant de moi, il a vu mon badge France sur l'épaule et il m'a parlé en français à ce moment-là. Il m'a dit, vous savez, vous revenez de loin, hein. Alors, il me dit, bon, ben, écoutez, hein, je vois, vous faites partie d'un équipage de bombardiers. Bon, ben, vous êtes mon prisonnier, n'ayez aucune crainte. Vous allez marcher derrière le chariot ces gens-là chassaient le lièvre. Ils avaient une quantité invraisemblable de lièvres qu'ils avaient mis sur un chariot, selon la méthode allemande, avec une patte ils perçaient une cuisse, ils mettaient une patte dans l'autre et ils pendaient tous ces lièvres sur une perche de bois à travers le chariot. Alors moi j'ai marché derrière ce chariot jusqu'à ce que la chasse soit finie, ça a duré quelques minutes d'ailleurs. Et quand ça a été terminé, il m'a dit bon ben maintenant je vous emmène à la Feld Gendarmerie, vous allez monter sur ma moto avec moi sur le Tansad. Et nous sommes donc passés à travers le pays. En traversant le pays, il me dit « Dis donc, ça fait un certain temps que vous n'avez pas mangé. » Oui, bon, alors je vais vous payer un sandwich. » On s'est arrêté à un bistrot et il m'a payé un sandwich de pain noir et de margarine et je vous assure que je l'ai trouvé bon. Hein. For me, my brother and myself, we beseech you help us in our quest for eternal happiness and money, money, money, money, money, and money, money, money, money, money, money. Your holiness. Now come down here, give us the benefit of your advice. Keep on praying, keep on praying, keep on saying, God will save us all, He'll save us all. Your holiness. Your baubles and beads, your jewelry for all the world's needs. Send an aeroplane of snowy white through the clouds with God's light and money, money, money, money, money, money, money, money, money. Thank you. holiness. You're not listening to me. I'm dying day by day. Millions of others are going the same way. Your holiness, you're not listening to me. Your holiness, you're not listening to me. And dying day by day, I'm so confused. Can't help anyway. Quand un jour je suis tombé entre les mains de la milice française qui m'ont livré à la Gestapo. Après avoir subi des tortures, on a formé en train un convoi qui est parti de Fort-Montluc, de Lyon, pour Auschwitz. Et dans ce train, bourré milliers de personnes qui allaient à Auschwitz, moi j'ai réussi de sauter de train en marche. Et c'était du côté des contrées civils, encore en France. C'était déjà le cinquième jour que le train était en route, mais il y avait des sabotages souvent. Et j'ai réussi de sauter le train. J'étais le seul évadé de ce train. Et je suis rentré dans un village. D'abord, je suis resté par terre, je me suis jeté par terre dans un sous-bois. Tout secoué d'émotion, je me voyais revivre. Je vois maintenant, j'ai de la chance de m'en sortir encore. Je rêvais, pourvu qu'il y ait un autre qui me suit aussi. J'allais dans la même direction des trains. Et j'appelais aussi, oh, je poussais des cris, oh, peut-être quelqu'un répondra. J'ai vu que je n'ai plus à espérer de ça, alors je suis sorti de sous-bois, et puis j'ai commencé à m'engager dans un village. Alors le premier garçon que j'ai rencontré, c'était qui gardait les vaches. Il me dit, j'ai demandé où il habite, c'était pour savoir comment s'appelle le lieu. Et il fallait se méfier, il fallait rien dire. Et après il dit, c'est Pixerecourt, c'est pas loin d'ici, c'est le prochain village. Alors là-bas j'ai rencontré un paysan avec une motte de foin. Et ça, ceci s'est passé en 1944. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il y a des Allemands chez vous, à Pixerecourt? Après une silence, une réflexion, et en me regardant avec beaucoup de suspect, j'ai demandé, qui est cet homme? On voyait interroger, parce que c'est son silence qui le signifiait. Après il dit, malheureusement, ces sales bêtes sont encore partout. Alors je dis, est-ce qu'ils sont loin de chez vous? Il dit, ils sont dans le parc. Mais est-ce que vous habitez avant le parc ou après le parc? Il dit, après le parc. Alors je dis, bah, c'est dangereux que j'y passe, parce que moi, j'étais dans un train de déporter, et puis je me suis évadé, et je cherche où trouver un abri. Alors il dit, moi je vous donne ma motte de foin, vous le laissez tomber ici, qu'on ne voit pas votre tête, avec la fourche, et on va, comme ça, pas tranquille, jusqu'à chez nous à la maison. Et en arrivant à la maison, donc on est passé là, du lieu où il y avait les Allemands, et à ce moment-là, on était rentré dans la maison, et les gens étaient très contents de m'accueillir, la famille. 5 minutes après, arrive une voisine, elle s'est pliée, laissez Monsieur va aller chez nous, il serait plus en sécurité, mon mari est prisonnier de guerre, ben, je serais bien heureuse de savoir qu'il s'évade là-bas et que ça arrive comme ça, qu'il trouve quelque part où se cacher. Eh bien, j'ai accepté de passer chez eux et je suis resté toute une nuit chez elle. Et le matin, au réveil, elle dit, monsieur, vous savez, toute la nuit, on a tiré autour du coup de feu. Et c'est dangereux. J'ai peur qu'ils mettront le feu dans la maison. Alors c'était un orage. Et ils ont fait la brinque. Et ils ont tiré des coups de feu, c'était vrai. Mais elle avait peur. Et puis je suis allé à un village voisin, chez des paysans, qui, dans l'état qu'ils m'ont accueilli, ne voulaient pas que je participe, même ne me laissaient pas faire la vaisselle. Ils appelaient un médecin. J'ai interdit qu'il ait appelé un médecin parce que je ne voulais pas qui que ce soit sache. Sans mon accord, ils ont appelé un médecin. Et je me suis trouvé comme ça, assoupi dans un fauteuil, et tout d'un coup, je vois devant moi un homme avec un casque et tout ça. J'étais effrayé. Eh bien, c'était le médecin qui était arrivé, un motard, qui est arrivé soigner et me soigner. Et ce médecin a abouti, ça veut dire que c'était un homme de la résistance, et qu'à la fin de compte, il était victime d'une soûlerie, à la libération d'une soûlerie des soldats de l'armée américaine, qui l'ont tabassé sur la route, ils étaient sous, ils l'ont tabassé, eh bien, il était tué par les Américains, les libérateurs, dont il attendait tellement. De nouveau, la voix qui s'éloigne de nous, l'inimitable voix de Gleb. Je regarde dans la direction qu'il indique et je vois une Jeep avancer derrière le gris. À l'avant, il y a les soldats au casque terni, au cœur bien trempé. Ils sont sous comme des vainqueurs, sont-ils heureux? Pensent-ils aux prostituées qui les attendent? Ou au festin dans la salle de la mairie. Attention, la Jeep ralentit. Un soldat descend, revolver au poing. Malheur à celui qui croise sur son chemin la victoire aux yeux bandés. Ensuite, il m'a remis à la fête de gendarmerie et mon sort a été d'attendre qu'on vienne me transférer ailleurs. Alors, bien sûr, se retrouver dans un sous-sol, dans une espèce de cellule où il y avait des parachutes ensanglantés. Et puis, vous savez, puis de toute façon, j'étais pratiquement vidé de ma substance. Alors, je me suis couché sur ces parachutes ensanglantés, j'ai dormi. Et puis, un jour, le lendemain, on m'a apporté une soupe. Et puis, enfin, c'était le dimanche, oui, c'est ça. Et puis, vers midi, on m'a dit, tiens, il faut que vous veniez, là. Il y a un camion qui va vous emmener. Alors, un camion m'a pris. Et c'est là que j'ai rencontré mon navigateur qui avait sauté un peu avant moi et qui était dans le camion. Alors, on s'est fait des signes, interdiction de parler et tout un tas de simagrées parce que ces camions allemands avaient cette particularité. Il y avait deux banquettes, une banquette pour les chauffeurs et son assistant et puis une autre banquette derrière. Et nous étions derrière, assez serrés, avec un garde de chaque côté. Et alors, Le chauffeur avait débouclé son ceinturon sur lequel il y avait son pistolet et il l'avait accroché à son siège. Alors je fais au navigateur par signe, là, ce pistolet, on se le fait, puis on se les flingue et puis on va essayer de fiche le camp. Alors il me fait, oui, peut-être. Alors je mets la main sur le pistolet. À ce moment-là, les gars, ils étaient en train de somnoler. Il y a un garde qui ouvre un œil qui me fait « Nee, nix gut ». Alors, bon. Donc, on a continué. Et puis, nous sommes arrivés et ils nous ont laissés à la base de la Luftwaffe de Münster. Alors là, nous avons été reçus par les gars qui nous ont mis dans un local. Mais c'était tout près du corps de garde. Et puis, nous passions presque pour des héros. Les gars, ils venaient, ils discutaient avec nous en anglais, ils nous demandaient quoi, ils nous demandaient. Mais c'était pas une interrogation, vous voyez, c'était presque de la camaraderie. J'en étais un peu estomaqué. Alors, nous sommes restés là à peu près une semaine, et puis on nous a donc confié de nouveau à deux gardes qui nous ont emmenés à un camp d'interrogation de près de Francfort, ça se trouvait d'Ouladloft. Et donc, Ça, c'était un camp où vraiment c'était organisé d'une façon industrielle pour tirer le maximum de renseignements de tous les prisonniers des Air Force, hein, à savoir quel type de matériel, à quel endroit on était basé, à quel endroit, enfin vous voyez, tout un tas de détails techniques. Bon, j'ai refusé de parler, on a dit, bon, ben, vous verrez, à la Gestapo, on vous fera parler. Bon, Gestapo, eh bien, le type m'a réédité ses menaces, et puis j'ai refusé de parler en disant que j'étais militaire et que j'avais comme la seule consigne de respecter les ordres donnés. Ça les a assez impressionnés, ils m'ont laissé tomber. Alors après, eh bien, nous sommes partis. À un moment donné, on nous a dit, bon, ben, vous partez au camp dans votre stalag. À ce moment-là, on m'a confié un colis de Croix-Rouge et on m'a désigné un type qui marchait avec deux béquilles en me disant, vous voyez, vous partagez ce colis avec cet officier américain qui avait craché avec un B-17, avec une forteresse volante et qui était très handicapé pour marcher, et vous vous occuperez de lui. Alors on nous a évidemment embarqués dans des wagons à bestiaux, et puis à chaque fois qu'on s'arrêtait, et on s'arrêtait pour diverses raisons d'ailleurs, on s'arrêtait parce qu'il y avait des alertes aériennes, on s'arrêtait parce que le train avait besoin de s'arrêter, et donc j'aidais mon pauvre camarade, on partageait le colis de Croix-Rouge, et même pour faire ses besoins, j'étais obligé de l'aider. D'ailleurs nous sommes restés extrêmement camarades, extrêmement amis. Il habite en Californie, à Lake Tahoe, et nous nous voyons de temps en temps avec beaucoup de plaisir. En arrivant au stalag, nous étions en tout 21 Français au milieu de 2100 prisonniers de toutes les Air Force qui combattaient contre l'Allemagne. Mon navigateur me dit, tiens, ici, il y a plusieurs gars du Lorraine, là, en particulier. Ce sont eux qui ont été abattus les premiers en attaquant la centrale d'Ivry en 1940 ou 41, je crois. 41 ou 42, oui, 41. Donc, le minimum que nous puissions faire, c'est d'aller les voir. Alors, nous sommes allés les voir. Nous avons justement eu affaire à Dastier de la Vigerie, qui a été navigateur sur Boston au groupe Lorraine. Et c'était le plus ancien prisonnier français. Alors, qui nous dit, alors les gars, vous êtes des nôtres ? Ben oui. Et en particulier, il me dit ça à moi. Il me dit, bon, ben, tu viendras me voir avec ta ration de margarine. Alors, un jour, je vais le voir avec ma ration de margarine. Il me donne une feuille de papier, il me dit, tu prends cette feuille de papier, tu étends ta margarine dessus, et ensuite, quand ça sera bien imbibé, tu vas le gratter avec une lame de rasoir pour te faire un calque, tu feras des calques de cartes, et au moment où j'aurai besoin de toi, il faudra que tu te serves de tout ça. Et un jour, il m'a dit, eh bien voilà, il faut que demain tu passes. Alors, tu te débrouilles, tu choisis la voie que tu veux pour sortir pour t'évader, ou tu fais les barbelés, ou tu te débrouilles. Moi, je te conseille de faire comme... il me semble que c'est le plus facile de faire, c'est-à-dire t'insérer dans le groupe de prisonniers russes qui viennent faire les corvées dans ce camp. Alors, le soir, eh bien, je me suis inséré avec une vieille capote. Je me suis inséré dans le groupe, puis je suis passé. Я помню тот Ванинский порт и виды парохода угрюмы. Как шли мы по трапу на бок, в холодные мрачные трюмы. От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья. И только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман, утихла пучина морская. Восстал на пути Магадан, столица Колымского края. 500 километров тайга, качаются люди, как тени. Машины не едут сюда, брядут, спотыкаясь, олени. Будь проклята, sois maudite Kalima, qu'on appelle la belle planète. On y devient fou malgré soi, il n'y a pas de chemin de retour. Je sais que tu ne m'attends pas et que tu ne lis pas mes lettres, tu ne viendras pas m'accueillir. Si tu me rencontrais, tu ne me reconnaîtrais pas. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь. А встреча меня не узнаешь. On était en Cologne et on nous transférait à la prison de Sarrebruck. Alors on venait de franchir la frontière de quelques peut-être centaines de mètres, je n'en sais rien, lorsque tout d'un coup, là, j'ai vu l'occasion et je l'ai immédiatement saisie. C'est la seule chose d'ailleurs dont je me sache gré. Malgré une frousse intense, j'ai foutu le camp dans un fourré. Et pendant que je bondissais comme ça, je voyais un dessin de Benjamin Rabier qui montrait un lapin boulant sous un coup de fusil. André Séverac. Et je craignais évidemment que ce fût mon sort. Il n'en a rien été. La sentinelle qui suivait était à quelques dizaines de mètres, était certainement distraite, et voilà. Et alors, je suis resté tapis dans mon fourré, et les quelques copains qui s'étaient aperçus de ma fuite, il y en a un qui a dit « Tu es un imbécile, on va être libéré ». Voilà, ils croyaient ça, et bon, je pense que les Allemands en avaient répandu le bruit. C'était une sorte de barrière, mais elle est restée sans effet pour moi, parce que je ne voyais pas du tout pourquoi les Allemands nous auraient libérés. Je ne voyais pas ça du tout. Alors je suis resté là, pendant toute la journée, tapis, et puis l'évasion a commencé pour moi à la nuit, et j'ai eu comme premier travail. Alors je m'étais bien entendu embarqué avec très peu de nourriture. Je n'avais qu'une boîte de sardines qui en contenait une dizaine. Et pendant les 5 premiers jours, j'ai vécu avec une demi-sardine chaque jour. Et je dois vous dire que la dernière dégageait un fumet tout à fait déprimant. C'était vraiment déplaisant. Mais enfin, c'était comme ça. Alors j'étais assez faible. Parce que je dois vous dire que pendant tout le temps que nous avions été enfermés au camp de Dieuze, on avait très peu de nourriture. Et ce qu'il signifiait très clairement, c'est que les feuillets étaient absolument désertes, il n'y avait rien au fond. Ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. C'était une terre vierge. Et alors voilà, alors j'ai eu à traverser bien entendu la ligne Maginot, et je pense que dans l'état d'instabilité où j'étais, dépourvu de tout moyen pour me guider, j'avais pas de boussole, j'ai dû la traverser deux ou trois fois. Et en tout cas, tout le dos de ma vareuse est resté dans les barbelés. Et alors, au bout de ce travail, le lendemain, j'ai trouvé une excavation de 150 cents longs, très certainement, et j'y suis resté planqué. J'ai trouvé un fond d'huile de salade pour encore manger un petit peu. Et puis, pendant toute la journée, j'ai dû rester là parce que les Allemands sont venus faire sauter des gargousses. Et comme ils y ont réussi, sans peine aucune, tous les arbres qui étaient aux environs étaient retournés comme des parapluies. Là, j'ai eu vraiment peur d'être enseveli, par exemple, dans les trois boyaux où je me trouvais, qui étaient extrêmement humides. Voilà à peu près le départ de cette histoire-là, n'est-ce pas ? Alors, aux environs du 4 ou du 5e jour, j'ai été ravitaillé dans un bois par un garçon qui s'appelait Lucien Frisch et par son instituteur, qui étaient des gens charmants, et ils m'ont apporté premièrement, Monsieur Thomas m'a apporté premièrement des vêtements pour des vêtements civils, et puis une formidable tranche de porc que j'ai mangé avec enthousiasme. Et voilà, alors ça a été comme ça pour les tout premiers jours. Mais alors ce qu'il y a de remarquable, n'est-ce pas, là-dedans, c'est que vous partez comme un homme, avec les sentiments d'un homme, avec le conditionnement d'un homme, et puis vous devenez un animal. Et alors ça, c'est une aventure absolument merveilleuse. C'est une aventure merveilleuse parce que lorsque vous vous réveillez, vous vous trouvez en présence des animaux qui vous regardent, et vous êtes à l'état de gibier. Ils semblent eux-mêmes en avoir le sentiment. Le renard reste sur trois pattes à vous considérer, et lorsque vous faites un mouvement, il ne bondit dans aucune direction. Le hérisson, qui est une sorte de bourgeois, qui remue les feuilles, enveloppé dans sa pelisse piquante, ne s'occupe absolument pas de vous. Et j'ai vu une biche, et c'est cette biche qui m'a, si je puis dire, introduit au miracle de la féminité. J'avais l'impression, jusqu'au moment où j'ai vu cette biche dans la nature, avec toute sa grâce, avec toute sa beauté, que je n'avais jamais rencontré le sexe féminin. C'était quelque chose de tout à fait étonnant. Et alors je me suis... Elle était là, elle était épanouie, et elle était véritablement la féminité sous sa forme la plus belle. Et je sentais sa profonde nécessité biologique. Je sentais tout ce qu'elle apportait au monde, et par là même tout ce que la femme apporte au monde, et c'est un sentiment qui m'est resté secret, et que peut-être j'explique pour la première fois, mais ça m'a profondément ému, et j'ai eu le sentiment d'être enrichi par cette expérience. Et de toute façon, j'ai été profondément honoré d'être subitement le père, l'égal, le compagnon de tous ces animaux dont on peut dire qu'ils vivent au bout d'un fusil. Ils vivent au bout d'un fusil, et j'ai été profondément honoré, je le suis encore, c'est un sentiment rétrospectif d'une grande force en moi, j'ai été profondément honoré, moi aussi, d'être un gibier, parmi les renards, parmi les hérissons et parmi les biches. Alors ensuite, bon, mon évasion s'est continuée. Je dois vous dire que j'ai calculé que j'avais fait environ 600 km à pied en 11 jours, mais mon avance sur la carte était loin d'avoir cette importance, parce que lorsque je suis arrivé du côté du canal latéral, si je ne me trompe, à la Moselle, du côté de la route de Bar-le-Duc, il y avait eu une évasion assez massive du camp de Lunéville, et les Boches étaient en piste, et vraiment toute la journée, ça a été une traque absolument épouvantable. Je considère que ce jour-là, je n'ai pas fait plus de 20 km, encore que j'ai été forcé de me déplacer d'un point à un autre parce que je voyais les Allemands. Là, je dois beaucoup à un éclusier qui m'a empêché, qui m'a permis de traverser le canal et qui m'a beaucoup aidé. Et il m'a dit, il m'a dit, il y a un bon bout de temps que je te repérais parce que tu t'es planqué comme un con. Ah, dis-je, pourquoi ? Il me dit, parce que tu remuais tout le temps et tu remuais les roseaux. Et alors, il n'y a que les canards qui peuvent faire ça. Mais tu étais un gros canard parce qu'il remuait beaucoup les roseaux. Et si j'avais été un Allemand au lieu d'être un éclusier, tu aurais été poissé. Et il faut que tu te démerdes pour te mieux planquer. Alors là, il m'a aidé la manière, il m'a aidé à traverser la route, la voie ferrée et tout, au milieu des Allemands. Et je suis parti. Mais je vous dis, cette journée-là, je n'ai certainement pas fait plus de 20 km sur la carte. Et alors, je dois vous dire que c'était le lendemain d'une rencontre absolument merveilleuse. La veille, j'étais arrivé dans un patelin des Vosges, du côté de Raon-l'Étape, peut-être était-ce Uxenier, mais enfin, je n'en ai pas un souvenir très précis. Et il avait plu toute la journée, mais interminablement, et une grosse pluie, j'étais mouillé comme un rat, et lorsque je suis arrivé dans ce village, j'ai trouvé une très belle maison bourgeoise, avec des espaliers, enfin c'était très beau, et dans le jardin, il y avait un appentis. Alors, je me suis approché d'une fenêtre, parce qu'elle était ouverte, sans ça je serais rentré sans rien demander quoi que ce soit dans l'appentis, et j'ai vu un noble vieillard qui se chauffait à un poêle, et qu'il avait si près de lui qu'on aurait dit un grimpeur étreignant un tronc d'arbre. Le poêle était tout à fait entre ses jambes. Alors, ce type-là, je l'ai regardé, et je dois avouer qu'il ressemblait à Bismarck. Mais c'était un Bismarck de ce côté-ci du Rhin. Et alors, quand je lui ai demandé si je pouvais loger dans son appentis, il m'a regardé de haut en bas et m'a dit d'une voix rogue qu'il ne logeait pas les vagabonds. Je lui ai dit que s'il avait fait la dernière guerre, c'est-à-dire celle de 14, il avait été dans le cas d'être un vagabond de ma sorte, et qu'en tout état de cause, je le priais de ne pas me dénoncer aux autorités allemandes. « On est français, monsieur !» me dit-il, d'une voix chevrotante. Je lui ai répondu, « Monsieur, en ce qui me concerne, la preuve est à faire. » Et j'ai foutu le camp vers le village. C'est à ce moment-là que j'ai vu sortir d'une humble maison une jeune femme, une femme, qui m'a regardé assez longuement, qui a rouvert la porte, qui a disparu à l'intérieur de la maison et qui est ressortie accompagnée d'une Notre-Dame. Alors, comme leur accueil était manifestement, leur apparition était manifestement sympathique, je me suis dirigé vers elles. Et elles m'ont dit, d'un air gourmand, « Vous en êtes un ?» J'en étais un. Je ne pouvais pas le nier. Elles me dirent, « Nous sommes les filles de Victor Ballan. Voulez-vous venir manger à la maison ?» Je n'attendais que ça. Alors, je suis rentré. Elles étaient trois, elles m'ont fait les honneurs de la maison, et en grand mystère, elles sont allées prévenir leurs parents qu'elles avaient un prisonnier de guerre qu'elles allaient traiter. Les parents, je ne les ai pas vus, ils étaient dans une pièce obscure et peut-être même impotents. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a été la féerie. Elles se sont emparées de moi, elles ont été épouvantées de voir dans quel état étaient mes chaussettes, et elles ont absolument tenu à les réparer, ce qui me remplissait de confusion. Ensuite, elles m'ont demandé si j'aimais l'omelette aux champignons. Oui, j'aimais l'omelette aux champignons. Elles m'ont fait une omelette aux champignons. Puis elles m'ont dit, venez, nous allons vous montrer où vous allez coucher. Et nous sommes allés dans une pièce où se trouvait un lit solennel sous un édredon couleur piperma. Je leur ai dit, écoutez, je ne tiens pas du tout à coucher là, parce que depuis plusieurs jours, je couche sur la dure, j'y suis habitué, ça fait partie de mon confort, et si vous me mettez dans ce lit, ce sera tellement insolite que je ne pourrai pas dormir. Je préférerais de beaucoup aller dans le foin. Alors je suis donc allé dans le foin, ça leur paraissait tout à fait bizarre, ça. Et je suis certain que j'ai porté atteinte au faste dans leur esprit, au faste avec lequel elles avaient absolument voulu me recevoir. Ça les gênait d'avoir pas pu me faire coucher dans leur lit. Alors, ça s'est passé comme ça. Le lendemain, j'ai eu droit à un petit déjeuner absolument somptueux. Et puis, l'aînée des filles Ballant, celle qui m'avait repéré au départ, m'a dit, je vais vous faire une itinéraire et vous allez voir que vous passerez entre les lignes allemandes bien tranquillement et tout. Dieu merci, je ne l'ai pas suivi, parce que si je l'avais suivi, je me serais certainement, elle était de très bonne foi, mais supérieurement naïve, et bon, ça m'aurait conduit directement chez les Borges. Et alors, je dois vous dire que pendant tout ce temps-là, j'ai été émerveillé de la gentillesse des gens, et tous ces types-là étaient prodigieusement doués sur le plan humain, ils étaient chics, il y avait beaucoup de types qui avaient fait la guerre de 14, qui fraternisaient avec moi, on me mettait en tête à tête avec des tartes de dimension absolument extraordinaire, enfin c'était fantastique, quoi, tout à fait chic. Et alors, finalement, au fur et à mesure que j'arrivais vers le sud, ça devenait une sorte d'entreprise. Et ça a été une entreprise que je n'ai découvert, pour ainsi dire, que rétrospectivement. Parce que déjà, en ce mois de septembre, au début de septembre, il y avait des gens qui se sentaient particulièrement menacés et qui partaient de l'Alsace, de la Lorraine, et qui souscrivaient des sortes de contrats avec des passeurs pour être passé de la zone interdite à la zone dite libre. Les passeurs avaient toutes sortes de raisons de craindre les évadés. Parce que la mentalité de l'évadé est la suivante. Quand il s'en allait, tout au moins dans ces circonstances, dans des circonstances comparables à celles qui étaient les miennes, au départ il était faible et il donnait sa liberté pour peu de choses. Mais au fur et à mesure qu'il devenait vigoureux, qu'il faisait des étapes de plus en plus importantes, que l'optimisme l'envahissait, il n'était plus du tout décidé à se laisser prendre, et sans aucun doute, il y aurait mis cher et éventuellement n'aurait pas reculé devant un assassinat ou quelque chose qui pouvait être considéré comme tel par les troupes allemandes, mais qui à nous paraissait parfaitement légitime, n'est-ce pas? Il n'y a pas de question. Tout dépend tellement des circonstances. Par exemple, une fois, Une nuit, au moment d'entrer dans un moulin, je rentre dans un vieux moulin en ruine, enfin c'est un bâtiment en ruine, peut-être n'était-ce pas un moulin, je n'en sais rien. En tout cas, à peine venais-je d'y entrer, j'ai entendu un ronflement puissant. Je n'étais donc pas le premier occupant. Et j'étais le seul, puisque l'autre dormait et n'était certainement pas conscient de ma présence. Donc j'aurais pu aller reconnaître et voir qui c'était. Je n'en ai rien fait. Je me suis reculé dans le coin le plus sombre, et parce que j'étais évidemment très fatigué et tout à fait soucieux de me reposer, dans le coin le plus sombre, je me suis endormi à mon tour en souhaitant ne pas ronfler. Et quand je suis parti, le ronflement avait cessé. Celui qui le produisait était-il parti ou s'était-il tu? Je n'en ai jamais rien su, je m'en contrefoutais, j'ai pris mon chemin à mon tour, et c'est dans ces conditions que je suis arrivé, après peut-être plusieurs jours, dans cette fameuse zone où, pour être certain de pouvoir exercer leur métier de passeur, les passeurs, dans une certaine mesure, et avec la complicité de la population, étaient obligés de prendre des évadés, si je puis dire, en main. C'est-à-dire que, à mesure que vous approchiez, vous étiez dirigé, on vous disait, quelqu'un qui vous avait bien reçu vous disait, tenez, à tel village, vous pourrez aller voir de ma part un tel. Eh bien, ce un tel était manifestement acoquiné avec les passeurs, parce que les passeurs tenaient à nous prendre en main pour que nous ne fassions pas de vagues. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on était pris en main, ils étaient très gentils, et voilà. Alors nous, bien entendu, comme nous ne connaissions pas l'endroit où les Allemands avaient placé des sentinelles, notre intérêt était évidemment de nous servir de cela. Mais je dois vous dire quelle honte profonde j'ai éprouvée au cours de cette nuit quand nous avons traversé la Loue, parce qu'il faut vous dire que lorsqu'on a fui comme ça pendant 11 jours, on a le sentiment que la liberté, c'est une chose qui se mérite et qu'il faut y mettre le prix. Quel était ce prix? J'étais à cette époque-là devenu totalement un animal. J'étais devenu une sorte de chat. Je pouvais très bien me promener à 15 mètres d'une sentinelle allemande, cela m'était arrivé, sans qu'elle soupçonnât ma présence. Je pouvais très bien traverser une rivière au moins large d'une dizaine de mètres, en aval d'une sentinelle, sans qu'elle s'en doutât davantage. J'y mettais le prix. Or, ce dont je me suis aperçu, c'est que ces gens qui avaient payé le passeur un certain prix, je ne sais pas quel prix, considéraient que leur passage, ils considéraient que c'était une sorte de contrat. Ils considéraient que, moyennant cette somme, le passage était assuré. Et eux-mêmes n'y mettaient aucune précaution. C'était une cavalcade immonde. Et moi, j'avais un sentiment véritablement de honte, vous comprenez? J'avais un sentiment de honte, je me sentais absolument compromis par ces gens-là, qu'on était obligé à tout instant de faire taire, n'est-ce pas? Ils considéraient que du moment qu'ils avaient payé, ils devaient être passés, et ils n'étaient pas du tout, en aucune manière, à la hauteur des circonstances. Comprenez-vous? Nous sommes arrivés dans un patelin qui était de l'autre côté de la Loue, rivière impétueuse, très belle et très claire, paraît-il, je ne l'ai pas vu puisque c'était la nuit, dans un patelin qui s'appelait Montbarré du Jura. Alors là, on nous a dit qu'un quart pour Dole passait le matin et que nous n'avions qu'à le prendre. Alors, on s'est planqué. Combien était-on? Je n'en sais rien. Alors, le lendemain, il y avait deux autres évadés qui s'étaient joints à moi. Et moi, j'avais donné de l'argent aux passeurs. C'était ce que j'avais. Je considérais qu'il fallait reconnaître son service. Et eux s'étaient refusés à le payer parce que peut-être avant moi, ils avaient pénétré le sens profond de ce truc-là. Mais l'eussais-je pénétré à ce moment-là, je m'en foutais, j'aurais toujours payé. Je considérais que c'était tout à fait normal. Par conséquent, il ne me restait qu'une somme tout à fait dérisoire. Et s'il est une chose que je ne tenais pas à payer du tout, c'était le car. Je suis donc rentré dans de telles dispositions. Et quand le type s'est approché de moi et a voulu me faire payer, j'ai refusé. Il m'a dit, dans ce cas, il faut descendre. Ça, je lui ai dit, mon cher, vous vous trompez lourdement. Parce que quand on m'a envoyé au casse-pipe, j'ai toujours bénéficié de voyages gratis et je considère que celui-là, qui est un voyage en retour, m'est dû. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que je paie. À ce moment-là, j'ai entendu une voix timide qui disait « C'est vous, monsieur, qui ne pouvez pas payer votre passage. Permettez-moi de le faire pour vous. » J'ai abaissé mon regard sur cette voix et c'était une sœur, une religieuse, en cornette, qui tenait absolument à me payer le passage. C'était sa béa du jour. Bon, je lui ai dit « Ma sœur, vous êtes tout à fait aimable, mais vous gaspillez l'argent de la confrérie parce que de toute façon, je ne serais pas descendu. Je ne serais pas descendu, il aurait fallu me lourder manu militari et j'espère bien que quelqu'un aurait pris mon parti. » Et alors je suis arrivé comme ça à Dole. Venait un train de Strasbourg que j'ai pris pour aller à Lyon. Et alors là, je suis tombé avec les cheminots dans la fraternité la plus complète. Il y en a un qui m'a immédiatement reconnu. Le contrôleur m'a dit « T'inquiète pas, mon petit gars, je vais te planquer. J'ai ici ma clé carrée et je vais te foutre en première. » Alors il m'a mis dans un compartiment de première. Et l'instant d'après, il est arrivé avec un sandwich absolument phénoménal. Et nous avons dévisé gaiement jusqu'à Lyon. Et les aventures ont pris fin de cette façon-là. Je me suis bien entendu promené à Lyon, où mon aspect était tellement insolite que les passants se retournaient sur moi, mais je m'en foutais complètement, et voilà. De toute façon, je n'ai même pas éprouvé d'ivresse à me trouver de nouveau dans la France dite libre. La seule chose qui m'a prodigieusement étonné, c'est, dès que j'ai repris le train, par la rive droite du Rhône, pour me rendre à Nîmes, lorsque j'ai repris le train, j'ai été absolument éberlué de la quantité de jardins qui, subitement, s'était créé dans les enceintes, dans les emprises de la gare, le ballast et tout. Manifestement, c'était les cheminots qui les travaillaient. Je n'en avais jamais tant vu. Et ces gens-là avaient certainement lu dans le marc de café les temps de famine qui se préparaient pour nous. Soldier stands, mud on his boot, blood on his hand. They left him behind, bury the dead. Pardon me, boys, if I slip off my pack and sit for a while with you. I'd like to explain why you fine young men had to be blown apart to defend this mud hole. country boys, though it's quite far away, found itself jeopardized, endangered boys, by these very goops who lie here beside you forever near. Express our deep admiration for your courage under fire and your willingness to die for your country, boys. We won't forget. We won't forget. J'entends encore une fois, attention, les gardes armés. C'est ici le poste frontière impossible de reculer. Je regarde dans la direction indiquée, du brouillard à un bruit de moteur, la forêt. Et je ne sais plus dans quelle époque j'ai glissé ni où je suis. Était-ce en 1944, dans la France encore occupée? Mais non, quelle erreur! La scène se passe aujourd'hui au milieu des chiens, des fusils, des tourelles d'observation, des barbelés. Entre la RDA et la RFA, il y a 1400 km de frontières, soit 1200 km de zone avec des installations d'alarme, des fils dissimulés dans le sol déclenchant l'alerte à la frontière, 200 km de champs de mines, 54 000 installations de tirs automatiques. Du 13 août 1961, date de construction du mur de Berlin, à aujourd'hui, 187 000 Allemands sont passés à l'ouest, mais seulement 2500 clandestins l'année dernière, dont 283 qui ont franchi les installations en risquant leur vie. En 20 ans, 183 personnes sont mortes sur le mur ou sur la frontière, 5000 ont été emprisonnées à la suite d'évasions manquées. Ce qui frappe ici, plus que les chiffres, c'est l'ingéniosité et l'énergie déployées par les candidats à la belle qui doivent chaque fois réinventer les moyens de la liberté. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui au début sont passés par les eaux. Parce qu'il y a un moment, c'est la Spree, le fleuve qui fait la frontière entre Berlin et la RDA, Berlin-Ouest, et également entre les deux Berlins. Alors beaucoup de gens au début se sont jetés dans la Spree, ont traversé la Spree en nageant sous l'eau bien sûr pour ne pas être repéré par les gardes. Ça n'est plus possible maintenant parce qu'il y a des grilles qui sont installées sur toute la longueur du fleuve. Il y a tout un système de grilles, d'instruments divers qui font que non seulement il n'est plus possible de passer, mais un certain nombre de gens sont morts justement de cette manière. Ils ont été empalés sous l'eau. Il y avait également eu, pendant un certain temps, pas mal d'évasions par voie de mer. Alors là, c'était de la RDA vers les pays nordiques, c'était par la Baltique. Et pour contrer ces évasions, toute une série de mesures d'interdiction ont été prises. Alors, il n'est plus possible, par exemple, de faire du bateau à voile, de toute manière, c'est interdit de faire du bateau à voile là-bas. C'est interdit même d'utiliser des canots pneumatiques, parce qu'il y a des gens qui sont passés de cette manière, qui ont déjoué la surveillance des vedettes est-allemandes et qui, avec des petits canots pneumatiques, ont gagné le Danemark ou la Suède. Donc maintenant, il est interdit de faire du canot pneumatique sur les plages de la Baltique. Alors, il y a des gens qui ont eu l'idée à ce moment-là de recourir à des matelas pneumatiques. Il y a des gens qui sont passés avec des matelas pneumatiques ou avec des équipements d'homme grenouille, enfin avec des installations très, très sommaires, très rudimentaires, compte tenu de la distance à franchir. Il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres. Bon, dès que ces filières ont été découvertes, le matelas pneumatique a été interdit sur les plages de la Baltique. Un autre cas, une méthode qui a été utilisée beaucoup au début, c'est le tunnel. Le tunnel entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il y a eu pas mal de gens, je crois, qui sont passés au début par ce moyen. Alors ça demande évidemment en général une équipe. Une personne toute seule ne peut pas creuser un tunnel de plusieurs dizaines de mètres. Donc c'était des opérations assez organisées. Je crois qu'un des tunnels faisait jusqu'à 145 mètres. Vous voyez ce que ça représente. Et ça supposait aussi, bien sûr, des complicités à l'ouest. Il n'est évidemment pas question d'atterrir au milieu du parquet d'une personne inconnue. Mais ce qui s'est produit, c'est que comme il n'y a finalement pas tellement d'endroits où on peut faire des tunnels, ces tunnels se sont eux-mêmes portés préjudice. C'est-à-dire qu'il est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu des effondrements et des glissements de terrain du fait que des gens creusaient à des endroits trop proches l'un de l'autre. Et actuellement, je crois que le passage en tunnel n'est plus praticable. Les alentours du mur sont trop surveillés pour qu'on puisse creuser à une distance rapprochée. Et les risques sont énormes. Alors je n'ai plus entendu parler de cas de passage par tunnel dans les dernières années. Pendant des mois et des mois, ont fabriqué elles-mêmes leurs ballons. Elles ont cousu, je crois, 2 kilomètres de tissu. Des tissus qu'elles ont achetés à droite et à gauche, puisqu'elles ne pouvaient évidemment pas se faire repérer en commandant à usage privé de 2 kilomètres de tissu. Donc, j'ai vu des photos ensuite de cette montgolfière reconstituée. Elle est absolument de toutes les couleurs. C'est d'ailleurs très joli. Alors, ils ont donc acheté des pièces de tissu à droite, à gauche, sur tout le territoire est-allemand. Et dans un travail secret qui a duré plusieurs mois, ils ont cousu donc ça à la machine pendant jusqu'à avoir une montgolfière. Ils ont bricolé une plateforme métallique avec un simple câble pour tenir lieu de rambarde et les bouteilles d'oxygène là-dessus. Et puis ils sont partis une nuit avec cela. Alors le premier essai a été un échec, c'est-à-dire que les vents n'étaient pas assez forts et ils ont atterri du côté est-allemand. Alors, ils ont dû tout laisser sur place et s'enfuir, bien sûr, à toute vitesse. Et l'étonnant est qu'on n'a pas retrouvé leurs traces. La police allemande a certainement retrouvé les restes de la montgolfière. Je crois qu'ils ont pu emporter la montgolfière elle-même, mais ils n'ont pas pu emporter la partie métallique qui était trop lourde. Et ils n'ont pas été repérés, quand même. Il faut dire qu'ils n'habitaient pas près de la frontière. Ils avaient fait le voyage pour venir faire l'opération. Alors, ils ont recommencé quelques mois plus tard. Et cette fois-ci, donc, ils ont eu plus de chance. Ils ont mieux calculé la direction des vents. En tout cas, ils ont pu, effectivement, de nuit, évidemment, passer au-dessus de la frontière, assez haut pour éviter les tirs et les tours d'observation, assez bas pour ne pas rentrer dans le champ des radars. Et ils sont donc, ils ont atterri en RFA, très près d'ailleurs de la frontière. C'était vraiment une entreprise incroyable. Et il y avait 8 personnes sur cette plaque métallique qui faisait, m'a-t-on dit, 1 mètre carré. Je ne sais pas si vous imaginez, 8 personnes, dont 4 enfants. Parfois, dans le cours d'une journée grise, studieuse, qui s'écoule dans la disgrâce, le souvenir d'une autre journée plus violente, ou d'un lieu, ou d'une personne, m'amène à reprendre une phrase. C'est alors qu'une sorte de lumière ou de courant d'air secoue ma tâche. J'entends, encore une fois, « Attention, les gardes armés, c'est ici le poste frontière. Impossible de reculer. » La belle, entre chien et loup, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov, en cabine, Didier Cornier, Jean Priseau, Jean-Luc Richard. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 31 mars 1983.